Autre titre important dans l'actualité antique, la destruction du Parthénon par un tremblement de terre qui remet une nouvelle fois sur le tapis la question du respect des normes antisismiques dans la construction des temples. Il semblerait que des négligences aient été commises, peut-être même sciemment. En effet, la construction d'un temple selon des normes antisismiques revient 15 à 30% plus cher et il est possible que des personnes mal intentionnées aient rechigné à la dépense. Une enquête a été lancée et devrait aboutir dans ces prochaines semaines. L'émoi à l'annonce de la destruction du Parthénon est bien sûr particulièrement grand dans le milieu religieux qui fréquente ces édifices. La grande prêtresse responsable des oracles au temple d'Alexandrie a déclaré, je cite, « Comment voulez-vous qu'on fasse des prédictions optimistes quand on sait qu'on risque de se prendre à tout moment un bloc de pierre sur la gueule ? Faut se mettre à notre place. » Fin de citation.